un podcast extérieur. Wow. Un pout. P-out-cast. Ouais. OK, il est parti. Il est dans la zone. Bonjour, ici Frédéric Varmouchi en compagnie d'Antoine Vézina. Fred, salut printanier. Bon matin. Jean-Philippe Durand. Salut de Mars, Fred et Antoine. Salut. Et Mathieu in the zone. Dans la zone. Bouillon. Salut. Salut. Alors, messieurs. Oui. Hein? On trippe au bout. Oui. On est dehors. Oui. On dirait que c'est l'été, hein? Mm-hmm. Oui. Mais qui... même pas une belle journée d'été. Non. Peut-être même la pire. C'est ça. L'été triste. Ouais. Alors, on enregistre directement du Parc Laurier. Oui. Qu'on remercie. Oui. Merci, Parc Laurier. Oui. Et puis, Jean-Philippe, c'est quoi le problème de cette semaine? Donc, comme les marcheurs de jeudi 22 mars qui étaient à l'extérieur, nous aussi. Donc, on a pris un projet. Mathieu, qu'est-ce que tu fais? J'enlève une petite galette. Parfait, allons-y. Il mange donc, même dehors. Ben oui. C'est un problème qui nous vient de Maxime Dupuis, qui nous demande « Cher pod problèmeux, j'ai un problème très simple. Je ne suis pas pour la grève abusive qui sévit ces derniers temps. Tout le monde est contre l'augmentation, pardon, cela ne fait aucun doute. Mais c'est quand même moins pire que les autres régions, point d'exclamation et trois petits points collés. Bref, comment faire cesser cette grève qui brime l'apprentissage de bien des étudiants qui, comme moi, aimeraient finir l'école avant ses 40 ans? » Je vous rappelle qu'il a 39 ans. Merci d'avance et lâchez pas les moufettes qui pètent. Yeah. Ah, c'est pour Antoine, ça. Oui. Lâchez pas les moufettes qui pètent. Non, c'est Mathieu. C'est plus moi, je pense. C'est plus moi. Ben, lequel d'entre nous est venu avec des moufettes qui pètent un matin? Étrangement, c'est Jean-Philippe. Oui, exactement. C'est pas pour rien que j'ai deux sacs à dos. OK. Qui grouille un peu. Techniquement, c'est un pied qui roule. OK. On avait une reformulation de ce problème-là aussi. Sur le mur de Pas de problème, c'est quelqu'un qui nous a envoyé ça. C'est-tu Banjo? Banjo Bouchon? Rémi Vachon. Oui. Rémi Vachon, donc, rephrase cette affaire-là et demande d'un autre angle. Ma solution serait de s'attarder au problème. Comment faire plier un gouvernement qui pense plus aux amis du parti qu'à la justice sociale? Et oui, j'ai dit plus haut. C'était là. Plus aux amis du parti qu'à la justice sociale. Plus haut. Ah. Mais je suis d'accord avec Mathieu. À propos des moufettes qui pètent. Ça doit être ça. Il ajoute ça à la fin. Oui. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Comment se faire entendre? Comment changer... changer les choses. Oui, mais là, c'est embêtant parce qu'il y a déjà un parti pris un peu dans la reformulation. Oui. Où il dit faire respecter la justice sociale, que pour certains, le gouvernement entre autres, de faire payer des étudiants dans le cas qui nous occupe, pour eux, c'est une forme de justice sociale. Oui. Tout le monde doit payer sa part et que les gens plus instruits, généralement, font plus d'argent, donc... qui fassent leur part à ce moment-là. Mais aussi Maxime qui dit que tout le monde est contre la hausse, et pourtant, non. Clairement, non. 50-50 à peu près, selon les derniers sondages. Oui, selon la presse. Hein. Oui. Mais c'est un peu biaisé. Même là, si c'est 60-40. C'est ça. Il y a quand même des gens qui font, oui, on est d'accord pour une hausse, peut-être pas celle-là, une hausse. Enfin. Mais les statistiques de moitié-moitié que tu parlais... ensuite, la sous-statistique, c'était les gens de 55 ans et plus et près de leur retraite qui étaient d'accord pour la hausse. Ça, j'avais pas vu. Tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent encore, des étudiants, des plus jeunes et même des professionnels, là, qui... tout le monde est... en tout cas, une plus grande part, là, qui est contre la hausse des frais. Ouais. Non, mais parce que j'en ai vécu quand même pas mal de grèves, là. Et... 65 ans, Fred. Oui. Non, mais peu importe... La grève des coupons de viande. Ma position. Non, mais j'ai aussi... Je pense que j'ai déjà dit que, ben, genre, oui, je suis contre la hausse, mais je cherchais une autre façon de faire entendre que la grève ou manifester, tu sais. Puis je sais pas si c'est ça que Maxime cherche, de faire... De quand même arriver à étudier, mais d'avoir des moyens de pression. Ouais, c'est ça. On peut imaginer une grève tournante. On voit ça dans plein d'industries. Donc, au lieu d'être tous en même temps, ça n'a peut-être pas le même poids. Oui, ils portent tous des jeans. Ou des pantalons de police! Oui, c'est ça! Flyer. Le moyen de pression plate, là, hein, comme, mettons, les travailleurs d'Hydro-Québec font ça des fois, là. Ils se mettent une chemise rose. Mais la police, entre autres, les gens qui n'ont pas le droit d'aller en grève, utilisent d'autres moyens. Se laissent pousser la barbe, portent le jean. La casquette rouge. Alors, il y aurait peut-être moyen pour les étudiants. Mettre des chaps. C'est efficace. Des rafraîchements, oui, comme ça. J'imagine qu'il y a encore des cours à la télé, là. Oui. Télé universitaire. Télé-achat. Télé-achat. Non, achat, Fred, tu t'es trompé. T'as eu ton diplôme comme ça? J'ai eu 200%. C'est un cours universitaire, ça, tu sais. Ouais. En bijoux, en oreiller. Ouais. Et ça, je soupçonne que c'est plus dur de faire du piquetage pour empêcher les gens de suivre leurs cours à la télé-université. Ouais. Moi, il n'y a personne au monde qui va t'empêcher de faire ma TV. As-tu le moyen d'avoir des cours secrets? Ouais. Les profs continuent à donner leurs cours quand même, mais pas à l'université. Ouais. Comme faire, non, on n'étudie plus. L'Underground Railroad enseignement. Oui! Ouais. Mais tout le problème, c'est que si les gens continuent à étudier ou à apprendre, peu importe la façon, c'est ça le moyen de pression des étudiants sur le gouvernement. Ouais. C'est de faire qu'à un moment donné, s'il y a une cohorte qui finit pas, puis là, tu as tous les finissants des secondaires, des cégeps qui arrivent. Ouais. T'as pas les employés qu'il faut pour remplir la job, donc t'as pas d'emploi, t'as pas de salaire, t'as pas d'impôt. Ouais. Et je comprends son point. C'est ça, mais d'avoir les deux, c'est compliqué. Mm-hmm. Mais peut-être partir à son université. Tu vas voir, je sais pas, moi, Google doit avoir de l'argent, là, faire l'université. Bon, ben. Google Campus. C'est ça. Un peu comme la HEC, là, sans commanditer ses études. Non, je parle de que ça soit des études, c'est ça, ça sera peut-être pas reconnu par personne. Mais en même temps, c'était tout seul à graduer cette année-là. Mais non! Parce que tout le monde était en grève. Tout le monde en bas. Ah oui! Tu vas être le seul engagé. Oui, moi, j'ai fait l'université de Nancy. Oui. De Nancy, et je suis en confiance. Mais là, j'avoue, je comprends pas beaucoup la table de solutions dans laquelle on est. Là, on est sur comment continuer de l'enseignement. Parce que lui, il veut finir ses études avant 40 ans. Je comprends. Il dit, mais je suis quand même d'accord qu'il faut faire quelque chose. Moi, c'est ça que je cherche là, en ce moment, Mais c'est peut-être des moyens de pression aussi. Est-ce que je peux quand même étudier? Mm-hmm. Oui. Puis, tu sais, comme donc la télé universitaire, partir sur l'université, en continuant les moyens de pression. Parce que lui, il fait, je suis d'accord, mais je veux finir mes études. Peut-être qu'il pourrait y avoir des informations pédagogiques sur les pancartes des manifestants. T'sais. Fait que tu apprends des choses en lisant les pancartes. On apprend plein de choses. D'ailleurs, je voulais dire, moi, je trouve qu'une des forces de la grève, là, c'est la créativité que les jeunes ont, comme sur les slogans. Pis, ah, c'est fou, il y a plein d'affaires sur les réseaux sociaux. Là. Ouais. J'ai l'impression que comme cette nouvelle génération d'étudiants-là est tellement comme des meilleurs communicateurs, on dirait, là, qu'il y a des bonnes idées punchées. Dans la forme slogan. Ben, quand ils sont à l'école, ils font juste ça. Oui, j'avoue. Ils sont sur leur lapin. Ils sont bons. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, je trouve que... Il y a vraiment des affaires drôles. Je tiens à dire, Mathieu, que tu as appelé les jeunes, et là, ça... Moi, c'est quand je reviens au Parc Laurier, je me sens, là, vieux. J'ai 60 ans. Parlons des hipsters. Peut-être que c'est possible pour notre ami de créditer cette grève-là comme étant un cours, une expérience ou quoi que ce soit. Ça dépend c'est quoi son champ d'études. Mais comme tu dis en communication, le prendre comme une expérience de communication, faire l'affaire, ouais. Et peut-être que ça va pouvoir passer là, auprès de... Oui, un prof... Un stage en grève. Ouais, un prof vraiment. Lousse, là, genre Robin Williams dans Société des poètes disparus ou Jeff Pfeiffer dans Dangerous Man. Ouais. Mentalité dangereuse. Oui. Sinon, c'est de régler la patente, accepter les hausses, peut-être provoquer des élections hâtives. Mm-hmm. On sait que le PQ s'est engagé à négocier, du moins. Ouais. Alors ça prendrait un accident, là, à Jean Charest. C'est quoi? L'Option nationale puis le Québec solidaire qui veulent la gratuité? Oui. Total. Est-ce que vous avez vécu des hausses scolaires, vous? Oui, j'étais là à 65 ans. Et toi, c'est sûr. Fred, il y en a vécu des grèves. J'étais à l'Université du Carton. J'ai vécu plusieurs tentatives de hausse. Ouais. Mais il y en a-tu? C'est dur à dire. T'étais de la cohorte qui ont inventé les dentiers. Non. Il n'y en a pas vraiment eu. C'est ça, après moi. Sur les 8 ou à peu près. Ceci dit, il y a quelques années, ils ont réussi à faire une hausse de 50 $ par session. Mm-hmm. Mais c'est pour ça un peu les coûts de la vie. Il y a ça aussi, tu sais. Il y a comme l'idée d'indexation, là, somme toute, là. Mais je rentrerai pas là-dedans. Là, mais... Pourquoi pas? Parce que j'ai peur de où je peux aller. Oh! Excusez-nous. Une maîtresse. Il y a le chien qui suit pas sa maîtresse. Fred, il y a quelque chose de très intéressant, par contre. Rome Zigné! Lâche ma jambe! Non, mais... ouais, il y a ça, là, tu sais, mettons, en gardant des coûts minimes, tu sais, comme ne serait-ce que... J'essaie de trouver un exemple d'utilisation où que tu payes un mini peu, puis que... Genre, des assurances dentaires, à la limite. Là. Non, mais tu sais, c'est... En fait... Ah, ben là, là, on va... Non, on va débattre, puis tu sais, il y a des gens qui sont pour la hausse, puis qui font, chacun, on paye nos affaires, puis il y en a d'autres qui font, ben c'est un choix de société, ouais. Gratuit tout, pour tout le monde, parce que ça va nous revenir un moment donné. Oui, tout à fait. Peu importe où tu te situes, comment tu fais pour passer ton point? Ouais. Je pense qu'il est là le problème. Oui. Tu sais, quand moi, c'est ça, quand j'étais à l'université, je me disais, pourquoi on fait pas un gros stunt, là, comme on catapulter un char? Tu sais, mais tel après-midi, venez-vous-en, on va catapulter un char. C'est avec la. Tu sais, bien. Un gros stunt médiatique, mais qui est pas nécessairement. On n'est pas obligé de faire la grève, là, on fait juste. Une grosse affaire, là. Ouais. Comme le fermier qui avait tué sa vache. Là. Non, j'ai eu ça. Tu sais, le fermier qui avait tué sa vache pour parler des conditions. Ouais. Ça avait quand même. Mais il y a des gens qui s'immolent hein, dans d'autres parties du monde. Ouais. Mais en feu, là. Mais là, ça, c'est un niveau où tu fais. Là, là ouais, c'est grave. Je vais attirer l'attention. On va dire étudier après. Ouais. Peut-être des étudiants en arc qui le feraient dans l'animation recherche culturelle. Je pense que oui. Le feu par le feu. Je pense qu'ils font déjà. Maxime, peut-être, moi, je baserais, vu que, à pas de problème, on parle toujours des Simpsons, on réussit toujours à finir par parler des Simpsons. Toujours. Je ferai un lien avec l'épisode de la grève. Je pense qu'on peut utiliser toutes les solutions de l'épisode de la grève des profs. Ouais. Donc, fais-toi une pancarte, klaxonnez si vous aimez les biscuits. Oui. L'école va peut-être recommencer au plus vite. Oui. Et aussi, un professeur maison, pourquoi pas, comme le pauvre Millard qui passe avoir des vacances, puis finalement, il y a un prof à maison, puis il devient très, très bon à l'école. Oui. Pourquoi pas un professeur privé qui pourrait aller te voir, Maxime, chez toi. Le cliché, c'est possible, des lunettes un peu rondes. Ouais. Du linge en tweed. Virgule. Oui. Oui. Oh. Mais non, si ça marche pas... Ah, virgule, dans passe-partout, là. Quand le prof maison, c'est ça, le lien est étrange. Mais si... Tu as des petites lunettes, oui, puis twink, puis enseigner des affaires. Oui. Et si tout ça maison. Fonctionne pas, l'escalier qui mène nulle part. Ça, il y a rien. OK. Allez, bien. Non, ben sinon, ben politiquement, ben, c'est de s'engager, hein. Voter, devenir membre d'un parti. Présenter ou s'occuper de politique ou encore les associations étudiantes dans ton cas. Autre solution possible? Déménager dans un pays qui penche plus vers tes valeurs? Comme le Burkina Faso, la Colombie. Les pays nordiques, là, où tu pourrais étudier tranquillement sans rien payer et faire ton service militaire. Ou Sorel. Ouais. Moi, je serais content. Ben, c'est un choix. Tu fais une année de service militaire, puis... Il me semble, messieurs, je sais pas si c'est mes amis sur Facebook, quoi que ce soit, mais que cette manifestation-là est virale. C'est la première fois qu'on connaît ça. Ouais. J'ai l'impression. Je pense qu'on s'en va de plus en plus, évidemment, là, c'est une espèce de faux prophète, mais tu sais, vers des guerres de communication aussi, que c'est la désinformation qui crée l'affaire. C'est qui, ça? Il a crié au faux prophète. Il y a plus de quartier! Mais... C'est ça, donc c'est au niveau des communications que ça se passe. Fait que là, je pense que le meilleur moyen pour toi, c'est de créer une vidéo virale, soit de chanter une chanson, de faire des choses comme ça. Prends Bad Romance. À l'école. Oui. Exactement, sur l'air de Bad Romance. Tu te fais un petit costume très, très simple avec des pneus d'auto. Ou prendre des vedettes intenses, là, comme le magnifique vidéo des gaz de schiste. Là. Moi, je l'ai bon, hein? Nos maisons sont... Mais ils l'ont fait, je pense, non? Il y a eu une vidéo la semaine dernière de... Oui, ils l'ont fait. Puis tout ça, là, sur ça. Puis il y en a un même, André Sauvé, Niaise, le gaz de schiste. Et Marc Bélan, un peu. Fait des gags là-dessus. Voilà. Mathieu, il est allé loin se moucher. Je suis allé loin me moucher. Pour pas être dans la tête de mon frère. Oui. Alors, oui. Non, c'est... Excusez, c'est Mathieu, il pitche son Kleenex. C'est passé. Ouais, Mathieu a essayé de lancer un Kleenex dans une poubelle, mais à 13 pieds de distance. Je suis pas trop dans la zone, hein, Mathieu. C'est l'affaire la moins réussie au monde. Oui. Mais viral? Viral, c'est full bon. Mais si faire la grève des médias sociaux, probablement que Facebook ferait de la pression sur les gouvernements pour... Ah oui, aller chercher quelqu'un de plus gros. Pas fou, ça. J'aime ça. Mm-hmm. Avoir Facebook, des millions de dollars. Walmart. Mettre de la pression sur eux autres. Eux autres mettent de la pression sur Coca-Cola. Oui. Qui met de la pression sur Jean Charest. Non, mais par exemple, mettons qu'il y a la... de la pression sur Farfelu Mont-Royal. Farfelu Maison. C'est ça. Ouais. Mais j'allais dire, il y a la bière Boris hein, qui a fait un print. Oui, oui, oui. Le 22 oui, mars. Donc, une page complète dans ouais, le Devoir. Dans le Devoir, ils ont comme réutilisé leur, leur logo sur lequel ils ont mis un carré rouge. Quand même. Ben, c'est pas une grande marque, Boris, on s'entend, mais ouais. Si là, une grosse marque s'associait vraiment au combat... Ça pourrait être. S'il y a 200 000 personnes qui boivent de la Boris, les autres sont contents. Ils sont contents, oui. Pas se tenir des bières dans la rue. Mais si l'entreprise privée, s'il réussit à faire pencher Hydro-Québec de son côté ou quelque chose comme ça, tu sais, d'être public, là, mais je parle. Genre de grosse affaire que du poids, là. Ouais. Ça serait croche en même temps. Orange croche. Orange croche, oui. Ouais, c'est étrange, mais ouais. C'est un peu étrange, mais. Je cherche. Non, mais, tu sais, de se faire entendre. J'ai une bonne idée aussi, je pense. Oui, vas-y. Genre, mettons, les étudiants pourraient dire à la classe politique, vous savez pas ce qu'on vit, ben venez le vivre pendant une journée. Fait que là, faudrait que, mettons, Jean Charest travaille dans un café pour payer les cours qu'il y aurait le soir. Il fait, ah, c'est pas pire. C'est pas pire. Un genre de Freaky Friday, ben. Oui, c'est ça. De masse. On a échangé. On a échangé nos premiers. Encore moins drôle. Encore moins drôle. On peut prendre George Reynolds. Ah oui. Fait que Lynn Beauchamp, faudrait qu'elle mette un petit carré rouge sur sa robe Mikoana. Oui. Non, mais elle pourrait même reprendre le stun des seins nus avec les carrés rouges sur les tits. Ouais, d'ailleurs, il y en a juste une qui a eu le mémo, hein. Ouais. Ça, c'était pas viral, ben. Non. Oh. Mais non, ça va devenir économique. Là. Il y a des gens qui attendent des finissants à l'autre bout. Là. C'est l'entreprise qui va faire, ben là, moi, j'ai besoin de mon monde champion. On le voit déjà pour les travaux, pour les emplois d'été. Puis dans certains secteurs bien particuliers, où ils engagent souvent des gens qui étudient dans certains secteurs particuliers, on va le dire deux fois, qui font, ben là, on est en train de retarder nos dates parce que là, il faut nous, on commence à engager ces talents-ci. Ils n'auront pas fini. Complètement. Alors là, ça met de la pression sur le gouv. Que, mettons, l'Université de Sherbrooke, là, tu sais, qui est très des programmes de stage, ça, qui compte dans les sessions, là, peut-être que ça peut ralentir la vie des étudiants. Bien, l'économie, écoute, là, tout ce travail, ces travailleurs-là saisonniers qui se présentent pas, ça peut avoir sa marque. Oui, complètement. Mais Claude Legault avait raison. Claude Legault, quand il a dit de virer des chars. Non, dans l'Empire bossé. Oui! Je sais pas, j'ai pas. Quand tu l'entends deux répliques dire très rapidement, j'aurais jamais dû faire ça. Oui! Ah, mon ami! J'aurais dû faire ça. Il sourit la bouche fermée, il dit ça. Mais, ouais. Faut influencer les gens. Mais il faut aussi. C'est ça. Il est contre la hausse, mais il veut pas suivre le mouvement. Faut qu'il propose autre chose. Faut qu'il. Ouais, il peut pas juste rester sur le bord. Inactif, pis chialé. C'est ça. C'est ça le problème un peu de. De ton attitude de marde. Ah ouais, hein? Oh, il dit tout le monde est contre, puis c'est normal. Ouais, comment tu fais pour finir, moi? Maxime. Ça finisse. Acheter des noms de domaine. Sur Internet, qui sont pour ta cause. Comme ça, les gens, quand ils vont fouiller, ça va être dans les premiers choix sur Google et ainsi de suite. Comme le gouvernement a fait, la même chose. Ouais. T'es encourages. Ah, mais toi, t'as l'avantage de ton âge. Fait que tu connais plus ce qui est cool que Lynn Beauchamp. Ouais. Je pense encore qu'on écoute du Limp Bizkit. Et Monsieur Freeze. C'est ça, exact. Fait que utilise ce qui est cool. Fais des liens, tu sais. Limp Bizkit? Lim biscuit. Fais des liens, tu sais, je veux dire, non à la grève étudiante, foster the people. Donne les deux affaires, et ainsi de suite. Mm-hmm. Ouais, c'est fort, ça. C'est sûr qu'enlever de la crédibilité aux gens qui présentent l'autre option. C'est toujours bon, ça. C'est toujours bon. Ouais. Lynn l'a pas fine. Lynn l'a pas fine, j'ai vu ça. Ouais. Démoniser l'autre. Ça marche, hein? c'est fou. Ouais. Hein? Ouais. Gros Totoni. Mais ça va. Avez-vous sur votre Facebook? Il l'a brandé, c'est fini. C'est gratuit! Avez-vous sur votre Facebook des gens qui ont assumé le carré vert, là, mais vraiment? Là? Oui, mais vois-tu, c'est parce que c'est tellement des amis de région de secondaire que je vais parler depuis 13 c'est ans. Comme, mais les carrés jaunes et les carrés bleus aussi. Hein? Ah ouais? Pas vrai? Oui. Pas vrai? Des gens qui sont contre la grève, mais contre la hausse. Contre la grève, contre la hausse. L'autre, c'est pour. Ben, je pense pour, que c'est le cas de Maxime, ça. Ben là, il faut s'afficher. Là. Je sais que jaune, bleu, vert et rouge. Ah, mais ben, affichez-vous. Non, mais. Absolument. Par... Je pense qu'il y a plein de. Mais pour la grève débat. Et pour la hausse, là, c'est un mais peu ben, ouais. Fesses, là, bleu, c'est pour ceux qui aiment les Legos. Ouais, c'est ça. Non? D'ailleurs, si on aborde ce problème-là, c'est un peu pour backer ton call sur la page Facebook oui. Cette semaine, Mathieu. Qui était quoi, donc? Qui était pas de problème, appuie la grève. Oui. Ben, moi, j'ai pas de problème à m'afficher personnellement. Mais parler au nom de pas de problème. De l'organisme? C'est appuyer la manifestation. La manifestation? Oui. C'est pas la même chose. Ah, ouais, c'était ouais. Le 22. Là. Ah, t'as okay. La parole sociale. Mon erreur. C'était ma façon, dans le fond, d'afficher mon... un carré rouge. Mais le mouvement est phénoménal quand même. Mon erreur. C'est fou. Là. Depuis cette annonce-là que... Je veux dire, il y a que... Sonar nous a mis à la porte. Oui. Mais même si c'est moitié-moitié... T'as l'épité devant. Même si c'est moitié-moitié dans son... Pendant, oui. Mais il y a quand même une moitié qui a l'air de plus de prononcer. Ben ouais, la vigueur que ça ouais. Crée. Là, ça crée un débat de société qu'on n'a jamais eu ici, ouais. À ce point-là. C'est fou. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu de... Occupons Montréal. Ouais, hein? Qui font... Ben, des gens qui ont ça. Fait... je me suis pas mobilisé la dernière fois, j'aurais dû... Puis là, ils se mobilisent, tu sais. Ouais, la cause s'élargit, là. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, mais c'est Jean Charest qui est à 70% d'insatisfaction ouais. Aussi ben dans oui. Les sondages. On ouais. Sent, tu sais, que ça regroupe plein d'affaires. Les gens vont marcher, ils font... Ouais. Oui, la grève des étudiants, mais c'est ce gouvernement-là qui écoute pas. Il y a des gens ouais. qui veulent, ouais. Qui disent quelque chose, ils écoutent pas. À la limite, j'oserais dire, entrer là, Chris Harper dans le collimateur. Là, on dirait que tout le monde est insatisfait. Puis... Il y a comme une vague Mulcair de peur, on dirait. Ça. Trembler. Hey, mais là, pour ceux qui écoutent ce podcast-là... Live? Non, mais pas live. Mais dans le futur, oui? Parce qu'il y a eu une autre grève, puis on vous a dit, hey, allez écouter notre vieux podcast sur la grève. Oui. Ben, ça dépeint bien l'époque. Ça dépeint les pancartes. Klaxonner si vous aimez les biscuits. Peu importe la grève, tout le monde va klaxonner. Il y a des robots briseurs de grève maintenant. Que n'est pas engagé des cours à ta robots place. Briseurs de grève. Je veux pas apprendre. Oui. On te force à mettre ta chip dans ton cerveau ouais. Pour apprendre. C'est quoi dans le mot, donc? Pas des stalkers, Scrabble. Bon, messieurs, ouais. Je sens que j'attrape une pneumonie. Vos solutions préférées? La pneumonie! La mort! Ben, c'est ce qu'ils font déjà, là, les réseaux sociaux, là, go, là, ça roule, là, ça gaule, là, je trouve. Là, c'est... Faut continuer à chercher encore, je pense qu'on peut aller plus loin. Mais c'est fou à quel point... Ben là, excuse-moi, je termine pas l'affaire, mais y a des... Il y avait des rage comics sur les pancartes, puis ouais. Il y a vraiment beaucoup d'influence là, de la culture web. Là. Oui. Ah ouais, c'est fou, là. C'est, oui, c'est pas tous les pères qui sont riches en tabarnak. Ouais. Il y a eu ça. Mais... Non, c'est mon père c'est... n'est pas riche en tabarnak. C'est le seul moyen que l'information se passe, que cette information-là de gauche passe, parce que le reste, c'est... Ben, c'était ce moyen-là, puis Richard Martineau. Il est pas pire, hein? Les deux, ça, c'est deux vraiment lui, il tuyaux. Envoie du monde. Il mériterait qu'on ferme Twitter. Hallucinant. Il est dégueulasse. Je l'ai tellement. C'était dans la pancarte. Sauf Sophie Durocher. Avec un nez de clown à Martineau. Ouais. Martineau est contre. Non, mais non, il est pour. Ouais, non, mais c'est dans le... Mais c'est tellement rendu viral, cette affaire-là, que je pense, Maxime, le meilleur moyen, c'est d'essayer de trouver la perle virale qui va faire que ça va se rendre partout. C'est les idées, c'est le pouvoir des idées. Le pouvoir des idées. Puis bon pour flash. Banjo, ben c'est... C'est pas content, il va dans un autre pays. Non, mais de quand même se donner... Moi, je réfléchissais à ça ce matin, puis je me disais, ben peut-être que je m'affiche pas assez. Tu sais, pendant les élections, je devrais... encore plus montrer mes couleurs politiques. Parce qu'on est comme gêné des fois de... Ben oui, puis on a peur de se faire dire... Ah ouais, tu penses ça, toi? C'est moins dans notre culture aussi. Ouais. On a tellement été habitués, j'ai l'impression, à la médiane. Ouais. Que cela aille d'un côté ou de l'autre, les choses se ressemblent quand même. Ouais. On est conscient des mouvements, mais pas tant que ça. Mais là, c'est flagrant, là, depuis un an, non? Il y a des changements, là, majeurs. Puis tu sais, des fois, t'as des opinions à toi, tu sais, mettons que tu crois, puis tu sais qu'ils sont pas super fondés, mais... Attends, il y a un camion. OK, c'est bon. Mais tu sais, comme t'as droit à tes opinions dans la vie, puis c'est juste que des fois, ça te tente pas vraiment de les confronter sur le débat public. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? On dirait... Ah, merde. C'est moins dans notre culture. Quoi? On va changer ça. Ça n'enregistrait pas? Non, mais j'ai peur que j'ai pas mis mon iPhone dans le bon sens, fait que je vais peut-être devoir ajuster le son. On sera peut-être pas assez fort. Dans le bon sens. Ah ouais. Crotte. Alors. Le micro est en bas. Ouais, c'est ça. Ah, quelle affaire. Ben oui, toi. Quelle époque. La semaine prochaine, ça sonnera mieux. Mais nous autres, c'est pas pire, je pense. C'est bouillon. Je pense que c'est Mathieu, ouais. On n'attendait pas. Ah, crotte. Ça va être... je vais essayer de le faire ajuster. Hey! Si vous avez apprécié ce podcast, ben bravo, parce que... C'est fallait être tough. Il y a juste les chiens qui l'entendent. Oui, exact. Si vous avez un loup dans la maison, un loup traducteur... Il va tout. C'est passé. Bon. Mais je suis d'accord, n'ayez pas peur de vos opinions. Mm-hmm. Affichez-vous, c'est la discussion. Ouais. Les révolutions... Tranquille. Oui, mais déjà, Maxime, bravo de nous avoir proposé ce problème-là. Oh, ouais, oui, j'avoue, c'était gâti de ta part. Et bravo à nous de l'avoir semi-attaqué. Dans le froid. Oh, bon, on ne remercie c'est... pas Sonar encore une fois cette semaine. Bon, messieurs, la semaine prochaine, on parle d'un autre sujet épineux. Oui. Oui. Et oui. On gagne un degré, je pense. J'espère. Parce que froid. Bon, ben, bye-bye. Salut, là. Le mot de la fin. Mot de la fin. Fred. Vous avez un problème, nous avons un podcast!